Section 1 de Le mari de Charlotte. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Le mari de Charlotte par Hector Malot. Chapitre 1. Le train venant de Nantes, qui doit s'arrêter à Vannes à 10h20 du matin, allait bientôt arriver. Le quart après 10h avait sonné à l'horloge et aussitôt il s'était fait dans la cour de la gare un mouvement de va-et-vient avec un grand brouhaha, des cris, des appels, des claquements de fouet. Les cochers des diligences et des omnibus qui causaient tranquillement en groupe s'étaient séparés pour monter sur leurs sièges. Les commissionnaires s'étaient rapprochés de la porte d'arrivée et des cafés, des cabarets environnants, on avait vu sortir des gens attardés qui s'étaient dirigés vers la gare à grands pas. À la suite des voitures rangées dans la cour de la gare, mais à une certaine distance d'elle, se trouvait un char à banc à quatre roues attelé de deux petits chevaux qu'une jeune fille, assise sur le siège de devant, retenait difficilement. La voiture n'avait rien de luxueux. C'était une sorte de carriole, en bois peint, évidemment fabriquée dans le pays, et qui n'avait d'autre mérite que la légèreté et la solidité. Les chevaux non plus n'avaient rien de remarquable. C'étaient des Bretons à la tête grosse, à l'encolure courte, au corps arrondi, à la croupe large et avalée, aux extrémités fortes, en tous deux bonnes bêtes de trait, sans rien de plus, et qui eussent été mieux à leur place, attelés à une charrette qu'à une voiture de maître. Mais si l'équipage n'était pas digne d'attirer les regards des curieux, il n'en était pas de même pour celle qui le conduisait. Les chevaux, qui, bien certainement, n'étaient point habitués au bruit et au mouvement des villes, ne voulaient pas rester en place. Ils frappaient la terre, secouaient leurs crinières et hennissaient en se cabrant. Parfois, ils tiraient sur leurs mors au point de soulever la jeune fille qui, s'arc-boutant sur ses pieds, tenait bon sans se troubler. Lorsqu'elle se rasseyait, elle ramassait les guides dans une seule main, et de l'autre, elle rejetait en arrière ses cheveux blonds frisants que les secousses données par les chevaux, autant que le vent, ramenaient sans cesse devant son visage. Dans ce moment, elle relevait la tête, et alors on pouvait voir que ce visage était tout à fait charmant. Un teint d'une fraîcheur transparente et veloutée, de grands yeux profonds, doux et sauvages comme ceux d'une gazelle, des lèvres à la peau fine, colorées par un sang vigoureux, avec cela une toilette simple et gracieuse, un chapeau de feutre gris, sans voile et sans plume, un manteau de molleton blanc, et aux mains des gants montant plus haut que le poignet. Parmi les voyageurs qui arrivaient à la gare pour prendre le train, il en était peu qui fussent gens à regarder cette jeune fille et à la remarquer. C'était pour la plupart des paysans des villages environnants, des ouvriers ou des marchands de la ville, qui avaient vraiment autre chose à faire qu'à perdre leur temps à regarder une femme si jolie qu'elle pût être. L'heure du train, le prix du blé noir au marché de Vannes, celui du chanvre et du lin à la foire de Ploërmel, la dernière partie de Domino, chacun a ses préoccupations ici-bas. Cependant, dans ce nombre, se trouvèrent deux jeunes officiers de marine qui eurent des yeux pour voir. Ils arrivaient sans se presser, en causant. Lorsqu'ils entrèrent dans la cour de la gare, leur attention fut provoquée par les hennissements des chevaux du char à banc. « Ah, la belle enfant !» s'écria l'un d'eux en s'arrêtant. « Que me contais-tu qu'il n'y avait pas de femme à Vannes ? » dit-il en se tournant vers son compagnon. « En voici une, et charmante, c'est la beauté blonde. »« Ce n'est pas une femme, c'est une jeune fille. » « Femme, veuve, jeune fille, je n'ai pas de préjugés, dès qu'elle est jolie, et elle l'est. »« Oui, mais est-elle de Vannes ? » ?»« Voilà la question. À sa voiture, je croirais que c'est une jeune châtelaine des environs. »« Allons la voir de plus près. » »« Et le train ? » ?»« Nous avons le temps. » »« Tu vas nous le faire manquer. » »« Eh bien, va prendre nos billets, je te rejoindrai tout à l'heure. Si je ne te rejoins pas, c'est que je manque le train, alors je te retrouverai à Lorient. » « Si tu ne me vois pas arriver demain, ce sera pour un autre jour, à moins que je ne reste ici à jamais. Elle est charmante. » Et laissant là son compagnon, il se dirigea vers celle qu'il trouvait charmante, les doigts dans les emmanchures de son gilet, la tête haute, en vainqueur. Pendant assez longtemps, la jeune fille ne remarqua point cet officier qui, campé à 10 pas d'elle, l'examinait curieusement. Elle avait assez à faire de surveiller ses chevaux et de les retenir. mais à la fin, ses yeux dardés sur elle forcèrent son intention. Ce regard brillant agit comme une lumière qui perce la nuit. Elle tourna la tête du côté de cette lumière. Que lui voulait cet officier qu'elle ne connaissait point? Pourquoi la regardait-il ainsi? Un sourire vint répondre à ses questions. Elle détourna la tête, rougissant. Mais, bien qu'elle tînt ses paupières baissées, elle sentait ce regard obstiné qui ne la quittait point, et de seconde en seconde, son embarras s'augmentait. Elle restait les yeux posés sur le dos de ses chevaux, sans oser les relever jusqu'à leurs oreilles. Tout à coup, le sifflet d'une machine se fit entendre au loin. C'était le train. Encore quelques minutes, et elle serait délivrée de ce fâcheux. Mais en entrant en gare, le machiniste siffla au frein, et les coups de sifflet, éclatant brusquement, effrayèrent les chevaux qui se cabrèrent. L'officier alors, qui peu à peu s'était rapproché, se jeta en avant et les prit par la bride. « Ne craignez rien, mademoiselle, » dit-il, en les contenant. « Ils ne nous emporteront pas. » Elle ne répondit rien. Les chevaux, se sentant retenus par une main vigoureuse, se calmèrent. Le train, d'ailleurs, était arrêté et les coups de sifflet avaient cessé. « Ils sont calmés, » continua l'officier sans se troubler, de l'accueil peu encourageant qu'on lui faisait. « Ils n'ont sans doute pas l'habitude d'être attelés. Bons chevaux, d'ailleurs, bonnes bêtes. » Et doucement, il les flatta d'une main, tandis que de l'autre, il les maintenait toujours. Cependant, la porte de sortie avait été ouverte et les voyageurs descendus du train commençaient à apparaître. Dans les 5 ou 6 premiers se trouvait un vieux monsieur aux cheveux blancs, à l'air doux et distingué, décoré, qui, en arrivant dans la cour de la gare, redressa sa grande taille voûtée et, se faisant un abat-jour de sa main levée au-dessus de ses yeux, regarda autour de lui. Sa recherche ne fut pas longue. Ayant aperçu le char à banc, il se dirigea vivement de son côté. À ce moment, les chevaux s'étaient tout à fait rassurés. « Je vous remercie, monsieur, » dit la jeune fille, en faisant à l'officier une légère inclination de tête qui était plutôt un congé qu'un remerciement. « Ils vont peut-être s'effrayer encore au départ du train. »« Ah, peu importe, voici mon père. » Il était difficile de jouer plus longtemps le rôle de sauveur. L'officier lâcha la bride des chevaux, et ayant salué respectueusement, il remonta sur le trottoir, mais sans s'éloigner. « Comment, Charlotte ? » s'écria le vieux monsieur en arrivant au char à banc. « Tu es venue seule ?» Martin était malade depuis hier soir. J'aurais pris la voiture de Sarzeau, et de Sarzeau j'aurais fait la route à pied. Cela aurait beaucoup mieux valu que de t'exposer avec les chevaux. » Pendant qu'il parlait ainsi, il était monté dans le char à banc. Sa fille se haussa jusqu'à lui et l'embrassa. « Oh, père, ne me gronde pas, » dit-elle. « Je suis assez punie. »« Je ne te gronde pas, mais je suis peinée de te voir faire toujours des imprudences. » Un facteur apportant une malle sur son dos vint interrompre cette remontrance paternelle qui, par ses paroles et par le ton dont elle avait été débitée, n'avait rien de bien dur. « Veux-tu prendre les guides ? » demanda Charlotte à son père lorsque la malle fut placée dans la voiture. « Ou bien veux-tu que je te conduise ?»« Puisque tu t'es bien confiée aux chevaux, je peux m'y confier moi-même à mon tour. Va donc !» Et les chevaux, sentant qu'on leur rendait la main, partirent au grand trot, comme s'ils étaient satisfaits de quitter enfin cette gare dans laquelle on entendait des bruits si peu rassurants. L'officier était resté sur le trottoir. Quand le char à banc passa devant lui, il ôta sa casquette galonnée en saluant respectueusement. Puis, sans perdre son temps à suivre des yeux la voiture qui s'éloignait, il courut après le facteur qui avait apporté la malle. « Vous connaissez monsieur ? » demanda-t-il. « Si je connais monsieur de la Hérodière, oui, mon lieutenant, et pour un digne homme. » Disant cela, le facteur fit sonner la monnaie qu'il tenait dans sa main, et l'officier comprit à quel prix on était un digne homme. « Voulez-vous ouvrir la main ? » dit-il au facteur. « Oui, mon lieutenant. » L'officier mit une pièce de 5 francs dans cette main ouverte. « Maintenant, fermez la main et ouvrez la bouche. Qu'est-ce que c'est que monsieur de la Hérodière ? Dites-moi tout ce que vous savez. » Monsieur de la Hérodière est un savant, un antiquaire, un homme qui cultive des arbres inconnus et qui fait des fouilles pour ramasser des os et des tas de choses. Il est venu s'établir dans le pays il y a 2 ou 3 ans. Il s'est fait construire une maison au bord de la mer, à la crique, entre Sarzeau et Saint-Gildas-de-Ruy. Il vit là avec sa demoiselle et il passe un peu pour sorcier dans le pays, parce que vous comprenez, les gens de par là, ça ne connaît pas les savants et ça s'imagine un tas de bêtises. Enfin, un digne homme. « Il y a une voiture pour Sarzeau ?» demanda l'officier. « Oui, mon lieutenant, la voilà, devant vous. » À ce moment, l'officier, qui était entré dans la gare pour prendre les billets, parut sous la porte d'entrée. Adrien, dit-il en appelant de la main son camarade, arrive vite, tu vas manquer le train. Je le manque, et je pars pour Sarzeau. Je te reverrai demain, ou bien je t'écrirai. L'officier, qui était sous la porte, rentra dans la gare en haussant les épaules, tandis que son ami montait dans l'omnibus sur la portière duquel on lisait en lettres blanches « Sarzeau ». Fin de la section 1.